Avec le loto Mission Patrimoine, vous pouvez gagner 2 millions d'euros minimum et marquer l'histoire. À partager au rang 1, voir règlement. FDJ, jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? L'Afghanistan, des soviétiques aux talibans. Alors voulaient-ils étendre leur empire, ou du moins étendre leur zone d'influence? Voulaient-ils s'accaparer des richesses? Oh, sans doute pas, même si le pétrole n'est pas très loin. Voulaient-ils un accès aux mers du Sud, aux mers chaudes? Oui, peut-être. En 1979, les soviétiques entrent en Afghanistan. Que diable allaient-ils faire dans cette galère? Jean-Pierre Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui, journaliste, correspondant de guerre. L'Afghanistan, vous connaissez votre premier voyage en Afghanistan? Avant la guerre, j'étais guide de tourisme pendant quelques temps. Mais j'emmenais des petits groupes de touristes, ce qu'on appelait les routes de l'aventure, visiter les Bouddhas de Bamiyan, la route du Nord, qui était une route absolument merveilleuse, celle du Sud, celle du Centre, les grands lacs de Bamiyan. Enfin, c'était, ils en avaient vraiment plein les yeux, et pour leur argent, parce qu'en plus, ça ne coûtait pas très cher, les voyages en Afghanistan à cette époque. Et c'est un Afghanistan totalement différent de celui qu'on peut imaginer aujourd'hui. On a l'impression qu'il a muté. Vraiment, quand j'y suis retourné la première fois, après, pendant la guerre, c'est-à-dire en 1982, durant l'occupation soviétique, je ne le reconnaissais déjà plus. Oui, parce que ce tourisme au milieu des années 1970 nous présente un pays que nous ne connaissons plus, qui est complètement différent. Michael Barry, vous aussi, vous connaissez très bien l'Afghanistan, votre premier voyage? 1963. Ah oui, nous remontons 10 ans en arrière. Encore, en fait, nous remontons jusqu'au 15e siècle. Il y avait vraiment des moments où j'avais l'impression de me trouver sous le royaume de Herat dans les années 1460-1470. Rien n'avait changé par rapport aux miniatures qui survivent de cette époque. Oui, parce que je voudrais évoquer en début de cette émission ce qu'était l'Afghanistan avant l'intervention des soviétiques, intervention en 1979, pour dresser quand même un panorama de ce pays sublime. Hein. Il faut le dire, Jean-Pierre Perrin, les paysages. Paysages oui. De l'Afghanistan, c'est sensationnel. Sublime. Un poète a utilisé l'expression « un pays au bord du mirage ». Je crois que l'expression est parlante. On avait l'impression d'être au bord du mirage. Quand vous voyez les lacs de Bandi Amir, qui sont une succession de 6 lacs d'altitude, avec des couleurs entre lapis-lazuli, émeraude, chaque barrage déversant l'un dans l'autre, et qui est peut-être le plus beau site naturel au monde, totalement à l'écart, donc très protégé, même si il y a quand même des soucis écologiques. Et je l'ai revu il y a quelques années, il n'avait pas changé, et vous avez encore ce qui restait de merveilleux de cette époque. Vous aviez encore quelques pédalos au bord d'un lac, des pédalos avec des coups de cygne qui devaient dater des années 60-70, et qui étaient toujours là, qui n'avaient pas bougé. Quelque chose, c'était à la fois archaïque et en même temps terriblement émouvant. C'est un peu ce que vous disiez, hein, Michael Barry. C'est quelque chose d'assez stable dans ce pays, avec des échos venus du lointain, mais aussi une forme de ce qu'on appelle la modernisation, pour le dire de manière très simple, mais au XXe siècle, il y a une volonté de changer le pays. C'était quoi ce mode de vie? Il y a beaucoup en ce moment et depuis maintenant quelques années sur les réseaux sociaux ces images qui jouent sur le contraste entre Kaboul dans les années 60-70 et Kaboul aujourd'hui. Dans les années 60-70, c'était un pays où il y avait un petit air d'Occident. Un très grand air d'Occident. Autant la campagne afghane était restée extrêmement archaïque, équilibré dans la perpétuation de ces formes d'organisation traditionnelles remontant à des siècles, pour ne pas dire des millénaires. Autant à Kaboul, il y avait tout un ferment déjà déclenché à partir de l'indépendance politique complète du pays par rapport à l'Empire britannique des Indes. Dès 1919, l'élite royale afghane veut engager le pays dans une modernisation qui n'est pas sans rappeler ce que faisaient les contemporains du roi Amanullah dans les années 20, c'est-à-dire Atatürk en Turquie et Reza Shah en Iran. C'était le même état d'esprit qui avait lieu à Kaboul. Ce qui fait que Kaboul était une ville de plus en plus laïque, avec une émancipation féminine très prononcé, surtout à partir de 1959 et la fin du port du voile obligatoire, avec la création de lycées non seulement pour garçons, mais aussi pour filles, parce que le gouvernement afghan de l'époque avait en tête que sans une force professionnelle féminine, le pays ne pourrait pas maintenir son indépendance dans les nouvelles conditions du XXe siècle. Aussi, l'administration hospitalière et même l'administration tout court dépendait de plus en plus d'un personnel féminin qualifié. Donc, quand les talibans, en 1996, et comme ils menacent de le faire de nouveau aujourd'hui, renvoyaient tout ce corps féminin, professionnel, éduqué dans ces foyers, c'était provoquer l'effondrement de l'administration afghane. Vous savez que ma thèse, c'est que c'était délibéré. Il ne s'agit pas simplement d'obscurantisme plus ou moins médiéval, mais au contraire, une volonté délibérée de réduire l'Afghanistan à l'état d'un protectorat barbarisé du pays voisin, le Pakistan, sous le camouflage d'un islam commode dans la mesure où il sert à intimider tout le monde. Il intimide les non-musulmans parce qu'on leur dit « Ah, mais vous ne comprenez rien à l'islam », et il intimide les musulmans parce qu'on leur dit « Vous n'êtes pas assez bons musulmans et vous pouvez être passible de l'accusation de takfir », c'est-à-dire « Vous êtes devenus des infidèles ». Donc, on terrorise tout le monde, et cela ne va pas sans rappeler un certain terrorisme intellectuel marxiste-léniniste qui accusait tout le monde de tout pour niveler toute contestation. Nous sommes dans un monde très particulier, hein, celui des années 60, 70, 80, où il y a une vraie vigueur du débat intellectuel avec des idéologies très fortes, et l'Afghanistan au cœur de tout cela. Et c'est vrai que, Michael Barry, vous faisiez allusion à un retour au Moyen-Âge qu'on voit souvent, qui est sans cesse aujourd'hui, là, on le sait bien, nuancé par tous les historiens, car le Moyen-Âge afghan n'est pas du tout ce que proposent les talibans. C'était un monde beaucoup plus progressiste déjà. Je vous propose tout de suite de faire un petit tour en Afghanistan en 1965. Faire sortir de son archaïsme ce pays carrefour, telle est la tâche à laquelle s'emploie dans son palais de Gulkana l'actuel souverain Mohammed Zahir Shah, qui compte sur la nouvelle constitution de 1964 pour précipiter l'évolution de son pays. Moderniser une agriculture qui forme la base de l'économie nationale, engager le pays dans l'industrialisation, sont les objectifs du deuxième plan, pour lequel le gouvernement afghan souhaite d'autres coopérations que celles des USA et de l'URSS qui financèrent le premier plan. Et à côté des artisans, qui continuent de confectionner les paisars, ces souliers des mille et une nuits, deux lycées français participent d'ores et déjà, avec les nouveaux établissements scolaires et les facultés, à la formation des futurs cadres de l'Afghanistan moderne. La tâche est importante, mais ne saurait effrayer les Afghans. Au demeurant, si l'on en croit le folklore, ceux-ci ont un secret séculaire qu'ils dévoilent le jour de l'anniversaire de l'indépendance en exécutant la danse nationale. Le folklore exprime parfaitement le goût pour l'énergie du peuple afghan. Cette énergie aujourd'hui employée pour faire entrer le pays dans le monde moderne. L'Afghanistan, présenté dans le journal des actualités françaises en 1965. Alors, faut toujours se méfier de ce regard lointain où nous voyons la vie politique comme un bloc. Là, nous entendons le pays se modernise à Michael Barry. Dans ces années 1960 et 70, surtout en Afghanistan, il y a un champ politique extrêmement divers. Donc il y a le pouvoir royal, disons-nous, qui veut moderniser le pays tel que c'est présenté dans l'archive, mais il y a plein d'autres mouvements. Alors, la multiplication des mouvements reflète aussi la multiplication des ethnies et des sectes. Et très souvent, quand on se penche sur la sociologie politique des différents pays qu'on appelle, entre guillemets, le tiers-monde, on est obligé de prendre en compte de l'appartenance ethnique des différents participants de différents mouvements politiques. Et il y a un terme grec antique que j'aimerais ressusciter dans la langue française moderne, c'est celle de ethnarque. Alors, un ethnarque, c'est-à-dire le chef d'une ethnie, dont le pouvoir politique repose non pas tant sur l'idéologie qu'il professe que sur la solidarité de son ethnie derrière lui. On a vu des ethnarques, par exemple, au Liban. Je prendrai l'exemple de Walid Jumblatt, qui est l'ethnarque des Druzes du Liban. S'il professe des prises de position qu'on peut appeler progressistes ou socialisantes, eh bien l'ethnie suivra son ethnarque. Et l'Afghanistan d'aujourd'hui surtout est véritablement divisé entre ethnarchies, entre chefs d'une ethnie reconnue. Or, ces jeux ethniques vont déterminer l'évolution politique de l'Afghanistan, soumis bien entendu à la pression des deux grandes puissances, l'Union soviétique et les États-Unis. Les ethnies, avec leurs ethnarques, se prononcent quand ces ethnarques deviennent des communistes, ou bien ils se prononcent pour une ligne communiste très dure, appelant au renversement de la monarchie, et on s'aperçoit que ces ethnarques relèvent de la tribu pachtoune des Gilzai, qui ont été éjectés du pouvoir royal en 1747. Par leurs rivaux, la tribu des Dorani. Et quand on voit des communistes qui proposent au contraire une évolution plus douce vers un État marxiste-léniniste, allié à l'URSS, mais sans remettre en cause le rôle fondamental de la monarchie, on s'aperçoit que ce sont des communistes qui appartiennent à la tribu royale Dorani, qui ne veulent surtout pas perdre le pouvoir. Et quand on interroge sur le campus de l'université de Kaboul, ce qui m'arrivait dans les années 60, puisque j'ai l'âge que j'ai, eh bien, quand on avait affaire à des étudiants maoïstes, c'est parce que ces étudiants relevaient des ethnies Hazara ou Tadjik qui ne voulaient surtout plus d'un pouvoir pachtoun qui existait depuis le XVIIIe siècle à leurs dépens. Donc même les mouvements marxistes-léninistes se fracturaient en fonction des divisions ethniques et se rangeaient derrière ce que j'appellerais des ethnarques communistes. De même, du côté islamistes, les campus des universités, des facultés de Kaboul dans les années 60 commençaient à devenir extrêmement violents avec des heurts entre factions marxistes-léninistes et islamistes, mais les islamistes eux aussi se partageaient entre ceux qui préconisaient en fait la prépondérance de l'ethnie Rilzai Pashtun, Monsieur Hekmatyar par exemple, et les islamistes qui relevaient des ethnies Tadjik et qui, eux, au contraire, se réclamaient de M. Rabbani Tadjik. Donc, en fait, on avait des ethnarchies. Et c'était très amusant de discuter avec les étudiants de l'époque, parce que je pouvais leur demander « comment est-ce que je peux retrouver un tel ?» Et ils me demandaient « à quel parti appartient-il » Alors, je dis « bon, ben, comme il est Tadjik et qu'il est né dans les environs de Mazar-e-Sharif, je pense qu'il sera au parti Jamiat-e-Islami. » Ah, vous avez raison, c'est là. Formidable, formidable, parce que pour un panorama politique de l'Afghanistan dans ces années 1960-70, on pouvait dire il y a le pouvoir de la monarchie et puis des mouvements liés à l'islam et des mouvements liés au communisme. Alors vous, Michael Barry, vous mêlez ça avec les ethnies, ce qui donne une vraie profondeur et une complexité. Mais c'est ça qui est formidable, c'est comprendre cette complexité pour saisir la situation de l'Afghanistan. Justement, vous, Jean-Pierre Perrin, quand vous vous trouvez en Afghanistan, donc à la fin des années 1970. Alors peut-être que c'est pas la politique qui vous intéresse plus que ça, mais en même temps, on a toujours le regard un peu aiguisé. Est-ce que l'on ressent dans le pays ces tensions si fortes ? On ne les ressentait pas vraiment dans les campagnes. On les ressentait évidemment dans les villes, mais pas dans les campagnes. Mais il m'est arrivé quand même une fois ou deux de discuter avec un jeune homme dans une petite ville. Et je lui disais quand même, votre pays, l'Afghanistan, est un pays magnifique. Et il me disait, mais monsieur, vous ne voyez pas la misère qui vous entoure? Vous ne voyez pas ces gens qui ont faim? Mon peuple sous-développé? Et là, déjà percé un peu de marxisme dans les propos de ce jeune homme. Et à l'inverse, nous avions déjà des relents fondamentalistes ici et là. Il y avait déjà aussi une certaine xénophobie anti-occidentale, anti-chrétienne, puisque les occidentaux étaient assimilés à des chrétiens. En 1974, je me souviens d'un routard qui avait été égorgé par un paysan. Le paysan était allé voir l'imam de la mosquée et lui dit « j'ai un infidèle chez moi, qu'est-ce que j'en fais ?» L'imam lui avait dit « égorge-le ». Et ensuite, il était, où ça ça devient intéressant. Il avait été arrêté, l'égorgeur, condamné à la pendaison, mais il n'avait pas été condamné à la pendaison parce qu'il l'avait égorgé, mais parce qu'il ne lui avait pas accordé l'hospitalité. Et c'est l'hospitalité qui est le lien fondamental à toutes ces ethnies, finalement. La violation de l'hospitalité est un crime, et le crime suprême, supérieur, et Ben Laden en a évidemment profité, parce que c'est au nom de cette hospitalité que les talibans l'ont accepté, et avant lui les moudjahidines, grâce à cette hospitalité, eh bien, dont il a bénéficié, il n'a pas été remis aux Américains quand les Américains l'ont demandé, et il en a profité donc jusqu'à 2001, jusqu'à l'intervention américaine. Et même là encore, lorsqu'il a passé la frontière, il a bénéficié de l'hospitalité des tribus pachtounes de l'autre côté de la frontière qui l'ont très bien accueilli, parce que c'est toujours valorisant pour une tribu pachtoune d'accueillir un plus faible que soi. Ça met en valeur l'ego de la tribu, si on peut dire ainsi. Et donc, ça explique beaucoup les traditions afghanes qui n'ont pas bougé depuis des siècles, expliquent beaucoup, beaucoup de choses de la politique contemporaine de l'Afghanistan. Effectivement, hein, il y a la chronologie très fine, d'ailleurs, du changement politique en Afghanistan dans ces années 1970. C'est d'ailleurs très fin, parce qu'il y a des coups d'État, il y a des manifestations. Et puis, il y a cette chronologie beaucoup plus longue, cette chronologie extrêmement intéressante, qui est celle des traditions. Dans les années 1970, Michael Barry, en Afghanistan, j'ai presque envie de dire à Kaboul, mais alors là vous allez me corriger, il y a un pouvoir favorable aux communistes qui arrive à s'installer. Comment ça se passe, cette construction ? Alors, déjà, je voudrais citer Alain Besançon, le fameux soviétologue, qui disait dans les années 80 que l'Union soviétique avait hérité de l'espace impérial russe et aussi des recettes d'expansion et de subversion de l'ancien empire tsariste. Les soviétiques, en prenant le pouvoir en Russie en 1917, héritent aussitôt des positions tsaristes en Asie centrale, et les soviétiques dénoncent les accords antérieurs avec Londres pour reprendre un travail de sape visant à renverser la puissance britannique en Inde en utilisant le territoire afghan comme tremplin. Ce qui fait que dès que le roi Amanullah, en 1919, proclame l'indépendance diplomatique complète du royaume afghan par rapport à l'Empire britannique des Indes, le premier chef d'État au monde à reconnaître cette nouvelle monarchie indépendante afghane, c'est la Russie de Lénine. Et Lénine propose immédiatement à la monarchie afghane de remplacer les subsides économiques que recevait la monarchie de Londres par des nouveaux subsides qui viendraient de Moscou. Et de fait, pendant cette première décennie de modernisation afghane, les années 20, on voit l'Union soviétique commencer à former des pilotes et à offrir des avions, commencer à entrer dans le système éducatif afghan, sans que les Anglais qui protestent puissent empêcher cette mainmise soviétique grandissante, dans un esprit où les Soviétiques rassurent les Afghans qu'ils respecteront absolument leur neutralité politique internationale. C'est une manière de les rassurer. C'est là où les Français peuvent être intéressés par le fait historique surprenant que la monarchie afghane des années 20, soucieuse de ne pas confier l'ensemble de son développement à l'URSS qui naît, se tourne aussi vers la France. Victorieuse dans la Première Guerre mondiale, la seule puissance occidentale en dehors de la Grande-Bretagne qui semblerait pouvoir assister l'Afghanistan dans son développement, et c'est donc vers la France que se tourne la monarchie du roi Amanullah pour fournir des éducateurs, des archéologues, une formation complète pour faire une espèce de contrepoids à cette influence soviétique grandissante. Et c'est vrai que la France va répondre à cet appel, ce qui va faire de l'Afghanistan, je crois, le seul espace au monde avec la Roumanie qui n'ait jamais appartenu à un ensemble impérial français, d'aucune façon, mais qui se soit tourné aussi résolument vers la francophonie. Et il faut rappeler que dans les années 20 et 30 et 40 encore, l'élite royale afghane était formée en France ou par des Français et parlait français. D'où cette véritable histoire d'amour qui s'est tissée entre Français et Afghans, qui est à peu près sans équivalent au monde, et que les Russes n'auront jamais, même s'il y a des communistes afghans, bien entendu. Donc c'est pour expliquer la complexité de cette partie de l'histoire afghane. Bien entendu, les soubresauts de l'histoire mondiale jouent toujours. On a le contraste entre ce que j'appellerais l'approche de Monsieur Perrin, qui a aussi été la mienne, de découvrir des paysages millénaires et des populations archaïques semblant perpétuer un Moyen-Âge centra-asiatique jusqu'en plein XXe siècle, et en même temps les heurts des puissances à Kaboul et la montée des grandes options politiques, géopolitiques, stratégiques qui vont jouer un rôle déterminant dans l'avenir du pays. Et justement, les communistes installés à Kaboul n'ont pas le soutien qu'ils auraient pu espérer pour maintenir leur pouvoir. En 1979, ils reçoivent de l'aide. 1979, les actualités. L'intervention soviétique en Afghanistan, 25 000 militaires environ. La Chine vient de réclamer le retrait immédiat des troupes. Les Américains se déclarent prêts à intervenir si l'on touche au Pakistan, le pays voisin. Les Américains consultent également leurs alliés occidentaux à partir d'aujourd'hui à Londres. Quant au Kremlin, il fournit des explications dans un long article de la Pravda à Moscou. Gabriel Mérétique pour France Inter, l'a lu pour vous. Que dit Moscou? Eh bien, en substance, que l'Afghanistan démocratique était gravement menacé. De l'extérieur, via les pseudo-camps de réfugiés au Pakistan, par les agents de l'impérialisme américain, par les Chinois et même les Égyptiens qui armaient et entraînaient les rebelles. De l'intérieur, par l'horrible Hafizullah Amin, homme de main de la réaction impérialiste extérieure. Les forces patriotiques se sont donc soulevées et ont éliminé Amin, puis demandé l'aide urgente de Moscou. Voilà, c'est aussi simple que cela. Même si on peut se demander comment les Soviétiques ont bien pu se retrouver à Kaboul en force avant même la disparition d'Amin et la formation d'un nouveau gouvernement. Dernière conclusion de Moscou, le contingent soviétique sera entièrement retiré du pays quand cesseront les menaces d'une ingérence armée de l'extérieur. Autrement dit, les Soviétiques sont en Afghanistan pour un bon bout de temps. Sur France Inter, le 31 décembre 1979, intervention militaire russe en Afghanistan, les Soviétiques arrivent. Jean-Pierre Perrin, ces Soviétiques qui arrivent viennent soutenir un régime communiste à Kaboul. S'ils viennent le soutenir, c'est que le régime ne tient pas en tant que tel. Ils viennent d'abord le renverser. Ils viennent d'abord renverser Amin, hein, qui est vraiment un tyran incontrôlable, et ils le suspectent d'un petit peu de vouloir les laisser tomber pour se tourner, ma foi, vers les États-Unis, vers l'Europe, on ne sait pas trop, vers le Pakistan aussi. Donc il y a des accusations multiples qui sont formulées contre lui, donc ils viennent le renverser avec un commando qui prend le palais d'assaut. Il semblerait qu'il ait même été étouffé par un coussin lors de la prise d'assaut du palais par les Spetsnaz, les troupes alliées, les troupes spéciales soviétiques. Donc, et ensuite, après, nous avons le déferlement depuis les frontières de la Moudaria, le grand fleuve qui sépare l'Afghanistan du Tadjikistan, des colonnes blindées soviétiques. Effectivement, la résistance a commencé à s'organiser au niveau des districts, au niveau de villages, une guérilla extrêmement éclatée, éparpillée, qui n'a pas encore trouvé ses chefs, mais ils sont en train d'émerger. Et donc, elle a quand même remporté déjà un succès. Elle a pris pendant quelques jours la ville d'Herat, par exemple, malgré la présence forte de conseillers soviétiques. Donc elle est en train de monter et effectivement, Hafizullah Amin peut très bien être renversé. Les soviétiques le sentent, donc d'où l'intervention, outre le fait, comme je l'ai dit, qu'Hafizullah Amin était incontrôlable. Et puis déjà, à la manœuvre, il y a évidemment les Américains qui ont senti évidemment qu'on a un point de faiblesse ici. Le Pakistan, qui ressent la présence du régime communiste comme insupportable, d'autant que nous avons un dictateur islamiste déjà à Islamabad, qui lui aussi a certains rêves d'expansionnisme. Donc tout ça, Zia Ulhaq, qui est aussi une personnalité assez terrible. Et donc tout ceci, l'engrenage est en place. Donc la machine communiste déferle et à ce moment-là, eh bien, c'est le début de ce qu'on appelle la guerre d'Afghanistan, même si cette guerre d'Afghanistan a un peu commencé avant l'intervention soviétique. Jean-Pierre Perrin, vous êtes l'auteur de cet ouvrage « Le djihad contre le rêve d'Alexandre » publié au Seuil. Le djihad, justement, dès l'intervention soviétique, il y a une forme de résistance mais qui dépasse le moment particulier et contextuel d'une intervention au cours de la guerre froide. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui est lié à l'histoire afghane de défendre aussi. Alors je n'ose pas dire le pays parce que dans l'histoire l'Afghanistan est une construction aussi, mais de défendre le territoire. C'est un djihad défensif au départ. Donc il va le rester pendant toute la présence soviétique. Ensuite il va évoluer pour devenir un autre djihad qu'on a appelé djihad offensif, djihad 2.0, etc. Mais au départ c'est un djihad défensif, c'est-à-dire un pays musulman est attaqué, donc il faut que la population le défendent. Et donc, c'est pour la plupart des 7 parties de la résistance afghane sont des parties islamistes, à l'exception d'un d'entre eux qui est plutôt monarchiste. Et donc, nous avons déjà une division, une fragmentation de cette résistance qui est absolument incompréhensible pour qui débarque en Afghanistan et qu'on apprend peu à peu à comprendre, qui recoupe là, comme vous l'avez dit, McBerry, les différences ethniques, les différences religieuses, les différences claniques et les différences quand même idéologiques, puisque nous avons un peu tout le spectre islamiste qui s'étale devant nous, avec du plus dur au plus modéré. Donc nous avons cette composante, ces composantes de la résistance qui ont un centre qui est Peshawar. Peshawar, à ce moment-là, c'est un peu un centre, le centre du monde, à la fois parce que tous les islamistes sont attirés par cette capitale provinciale. Et en même temps, nous avons toutes les agences occidentales, agences de renseignement, agences qui viennent faire du développement dans les zones libérées. Et nous avons donc une sorte d'un cosmopolitisme à Peshawar qui est aujourd'hui assez inimaginable. Et d'emblée, je voudrais dire une date essentielle pour comprendre l'Afghanistan, c'est 1985. Jusqu'à 1985, nous avons des mouvements, une résistance qui subit les attaques soviétiques. C'est-à-dire, elle libère des villages, elle libère des districts, elle libère peut-être quelques régions, et immédiatement, les offensives soviétiques. Et là, les soviétiques disposent d'une arme absolue qui est l'hélicoptère Mi-24. Le Mi-24 est appelé par les Afghans soit le véhicule de Satan, soit le tueur de village, le bien nommé. Et les guérilleros afghans sont incapables de les détruire. Pour pouvoir détruire un Mi-24, faut le taper depuis un surplomb, ce qui est impossible. Donc, 1985, arrivent les missiles Stingers américains, tout change. Avant, si vous voyagez avec des groupes de guérilleros, vous aviez en permanence l'œil inquiet tourné vers le ciel. Après 85, vous regardez beaucoup plus vos pieds que le ciel et c'est le changement total. Et à ce moment-là, là, on peut dire que l'URSS a perdu la guerre. Nous avons ici une histoire clairement internationale, parce que Peshawar, ville du Pakistan, hein, nous sommes au Pakistan, évidemment, c'est un contexte de guerre froide, le monde entier est pris en compte. Et Michael Barry, nous avons parlé de l'hospitalité tout à l'heure, l'hospitalité essentielle et traditionnelle en Afghanistan. Lors de cette guerre, l'hospitalité joue un rôle important au sens où, venus de partout dans le monde, des combattants viennent en Afghanistan. Il y a aussi une dimension internationale dans ces combats. Alors parmi les dimensions internationales, il y a bien sûr l'implication de l'URSS, donc celle de ces deux grands ennemis qui sont les États-Unis et la Chine. Les États-Unis et la Chine voient dans la défense du Pakistan la défense d'un ultime rempart contre une percée de l'Union soviétique jusqu'à l'embouchure du Golfe. Donc ça, c'est une des dimensions internationales. Mais notre ami Monsieur Perrin a rappelé aussi la dimension du djihad, qu'il ne faut pas négliger. Qu'une défense soit territoriale, ethnique, nationale, c'est une chose. Qu'elle se réclame de valeurs religieuses pour sanctifier sa défense au nom de Dieu, c'est encore une autre dimension. À partir du moment où une guerre implique l'islam, c'est impliquer aussitôt une religion mondiale. Or, le Pakistan, lui, était un État fondé pour être islamique et qui, de 1947, sa fondation jusqu'à 1977, s'était plaint de ce que la solidarité qu'il montrait envers les autres pays musulmans n'était pas payée de retour. L'Inde, en conflit avec le Pakistan, pouvait s'emparer de la plus grande partie du Cachemire, pouvait défaire l'armée pakistanaise au Bangladesh. Jamais l'Égypte ne se portait au secours du Pakistan. Jamais les Palestiniens que le Pakistan soutenait verbalement, jamais les Palestiniens ne se prononçaient en faveur du Pakistan contre l'Inde. Et puis, avec l'occupation soviétique en Afghanistan, tout a basculé. Tout d'un coup, les différents mouvements islamistes arabes, je dis bien, découvrent que le Pakistan, après tout, c'est le rempart de l'islam. Et des militants islamistes arabes, comme Abdullah Azzam, ou comme, après lui, Osama Ben Laden, viennent au Pakistan pour aider la solidarité islamique au Pakistan afin de défaire l'infidèle soviétique en Afghanistan, perçu comme un combat impliquant l'islam tout entier, de la même manière que, disons, les combats des Palestiniens musulmans, pas des chrétiens, mais des Palestiniens musulmans contre les Israéliens. Et c'est donc cette autre dimension internationale qui va se substituer à celle de la confrontation soviéto-américaine et qui, aujourd'hui, a pris le dessus. En effet, ni Boko Haram, ni les Shabab de Somalie, ni les combattants islamistes du sud des Philippines n'agissent que d'une manière purement locale. Et de même, les talibans ou Daesh sur sol afghan représentent désormais une idéologie aussi mondiale que celle du marxisme-léninisme autrefois. Bien justement, pour illustrer cette dimension mondiale dans la nécessité de narrer des événements, bah, vous le savez très bien, Jean-Pierre Perrin, journaliste que vous êtes, c'est vrai qu'il faut des personnages. Et parmi ces personnages, il y en a un qui vraiment a touché le monde entier. Et encore aujourd'hui, il a un écho très fort, le commandant Massoud. Et c'est une belle illustration du lien intense entre la France et l'Afghanistan. Interview de 1982. Les téléspectateurs occidentaux doivent se demander comment une petite vallée comme la vôtre, avec 5000 hommes mais seulement 7 armes, arrive à tenir en échec l'armée réputée la plus puissante du monde, l'armée rouge. Bien. Je pense que c'est à cause de mes combattants tous. Ils aiment faire la guerre avec l'ennemi pour gagner le Jannat, le jardin de Dieu. Vous connaissez ? C'est-à-dire que les moudjahides qui meurent gagnent le jardin de Dieu. Et à cause de ça, il n'a peur pas de mort. Et la deuxième chose, c'est que nous, Moudjahides, tous on est très courageux. Oui. Et ils sont prêts pour commencer la guerre ou pour continuer la guerre. Et troisième chose, ça c'est l'extructure de la vallée. C'est les montagnes, les rivières. Pour nous, c'est très bien. Et pour l'ennemi, c'est très mauvais. Oui. Et il ne comprend pas bien les montagnes et d'autres choses. Le commandant Massoud, interviewé en 1982. Jean-Pierre Perrin, le commandant Massoud. Oui, alors déjà, quelque chose qui va nous rapprocher de votre premier épisode de votre émission, c'est le bonnet, le pacoul. Parce que le pacoul, si vous regardez bien la coiffure d'Alexandre le Grand sur certaines mosaïques, notamment retrouvées en Macédoine, dont la célèbre mosaïque d'Alexandre chassant le lion, vous avez la même coiffure. Donc on peut imaginer que le pacoul du commandant Massoud, ce béret renforcé à gros bourrelet là, et la coiffure d'Alexandre le Grand sont la même coiffure et qu'elle a donc été importée par Alexandre et qu'elle a perduré jusqu'à aujourd'hui, ce pacoul que portent essentiellement les montagnards de l'Hindou Kouch, pas seulement Massoud et ses hommes, mais beaucoup plus largement. Donc Massoud, effectivement, est au départ un frère musulman, donc francophone, francophile, ce qui va l'amener à évoluer peu à peu, c'est ça qui est intéressant, c'est pas seulement ses victoires, mais plutôt ses défaites. Ce qui arrive, le Massoud qui arrivera en France l'année de sa mort en 2001, tué par deux Tunisiens déguisés en journalistes, n'est plus le Massoud de 1981, ou de 1980, ce n'est plus l'islamiste assez dur quand même. Moi, je l'ai entendu beaucoup quand même vanter la révolution roméniste en Iran. C'est un Massoud qui s'est ouvert au monde grâce en particulier à la présence de médecins, de journalistes qui sont venus le voir. Français. Et français essentiellement, mais pas seulement. Hein. Il y a aussi quand même britanniques et américains. Et puis, finalement, avec la victoire des talibans, aussi il va encore s'ouvrir parce qu'il a besoin de l'aide occidentale. Il va se tourner à ce moment-là vers les États-Unis, vers la CIA, vers la France évidemment. Et donc, nous avons un Massoud qui va évoluer. C'est pour ça que le Massoud que j'ai rencontré en 80 n'est plus le même que celui de 89, 90 et en fortiori de 2001. Donc, évidemment, c'est un génie stratégique, mais en revanche, je dirais que c'est un assez médiocre politicien. Il n'a pas dépassé quand même l'horizon de sa vallée, toujours resté entouré par des panchiris, c'est-à-dire sa vallée du Panchir. Et donc, c'est peut-être ce qui lui a manqué pour devenir le sauveur de l'Afghanistan. Il a vaincu les Russes, mais il n'a pas été le seul. Il y a une quantité de chefs afghans dont on a oublié les noms. Je connais un certain Abdullah qui était aussi remarquable que Massoud, malheureusement que les talibans ont tué, et qui aurait pu être aussi une personne dont l'Afghanistan aurait vraiment besoin aujourd'hui. Donc, n'oublions pas que l'invasion soviétique a été terrible et explique beaucoup des malheurs de l'Afghanistan d'aujourd'hui, environ 1 million de morts, mais des structures complètement anéanties. Lorsque Massoud faisait face aux offensives soviétiques dans le Panchir, elles sont effrayantes, c'est-à-dire tout est écrasé sur le passage des blindés soviétiques, les villages, les terrasses, les canaux d'irrigation, les ponts, les maisons, tout ça est pulvérisé après le passage de l'armée rouge, il ne reste plus rien. Et la stratégie de Massoud, qu'il a importé évidemment probablement du Viet Minh vietnamien ou de Che Guevara, que sais-je, eh bien c'est jamais de s'opposer frontalement à l'offensive soviétique, de reculer, de la laisser grimper le long de la vallée, d'étirer ses lignes et à ce moment-là d'attaquer ses arrières, d'attaquer les convois de ravitaillement, de l'attaquer là où elle est la plus vulnérable, et c'est ce qu'il fera à chaque fois et ça sera toujours payant. Ce qui est très intéressant dans cette histoire-là, c'est cette mise en profondeur de la situation afghane. Et ce que vous nous expliquez là, Jean-Pierre Perrin, c'est également les techniques qui ont été utilisées, les stratégies contre les armées américaines. Il est très difficile de maintenir l'Afghanistan, nous le savons, mais vous nous avez dit que la rupture dans cette occupation de l'Afghanistan par les Soviétiques, c'est l'aide apportée par les États-Unis à ceux qui combattent les Soviétiques. Je vous propose un document, alors document d'archives, mais un document artistique aussi, c'est Rambo III. Rambo III, donc en 1988, présente les Moudjahidines. Et alors là, nous sommes très loin de la présentation que nous en ferions aujourd'hui. La plupart des Afghans sont des gens très forts, et nous sommes déterminés à ne pas nous laisser chasser de notre terre. Nos enfants meurent à cause des maladies, des mines et des gaz toxiques. Et les femmes sont violées et assassinées. L'an dernier, dans la vallée de l'Egman, la vallée à côté, 6 000 Afghans ont été tués. Il y a eu des femmes enceintes, le ventre ouvert à la baïonnette. Et leurs bébés ont été jetés dans le feu. Ils font ça pour ne pas avoir à combattre la prochaine génération d'Afghans. Pour l'instant, personne ne voit rien, ni ne lit quoi que ce soit dans la presse. Ce que tu vois ici, ce sont les soldats moudjahidines, des guerriers sacrés. Pour nous, cette guerre est une guerre sacrée. Et il n'y a pas de vraie mort pour les moudjahidines, parce que nous avons reçu les derniers sacrements. Et nous considérons que nous sommes déjà morts. Pour nous, mourir pour notre pays et Dieu est un honneur. Rambo 3, le film de Peter MacDonald en 1988, présente les Moudjahidines. Michael Barry, vous êtes professeur à l'université de Princeton. Et justement, quand nous entendons cette présentation en 1988, il n'y a pas question de faire de téléologie, de lire les événements avec tout ce que nous connaissons depuis. Mais il y a un écart majeur, les Moudjahidines pouvaient très bien être les alliés. Il n'y avait pas de prise de conscience que, eh bien, ça pouvait être aussi un danger. Alors là, je dois toujours, parce que je vais très souvent rappeler une conversation terrible que j'ai eue à l'ambassade des États-Unis à Islamabad en 1988, justement, où à l'époque j'étais le coordinateur des missions de Médecins du Monde sur le sol afghan, et je suis venu voir les responsables américains en leur disant « Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous soutenez à travers les canaux pakistanais ?» La population presque entière est dressée contre les soviétiques. Mais vous êtes en train de soutenir des formations politiques islamistes et totalitaires qui ravageront le pays encore pire une fois les soviétiques partis, parce qu'ils vont partir, ils ont perdu. Et comme une sorte de pirouette verbale, un des fonctionnaires présents qui m'a raccompagné dans le couloir m'a dit « Merci beaucoup pour votre intervention, mais vous savez, we're not in the nation building business, we're in the Russian bleeding business. Nous ne sommes pas là pour construire une nation, nous sommes là pour faire saigner du russe. Ha, ha, ha, très drôle. » Mais en fait, c'était la mentalité qui prévalait. Puisque les généraux pakistanais veulent privilégier ceux des moudjahidines afghans qui veulent mettre sur place un régime islamiste complètement inféodé aux Pakistanais, les Américains et les Chinois, et ne les oublions jamais, ont entériné les choix pakistanais et canalisé l'essentiel de leur assistance à travers ces canaux pakistanais vers les mouvements les plus radicaux du djihad. Et pour revenir sur le commandant Massoud, et en ce qui concerne son évolution politique, ça a été sa prise de conscience, qui remonte je crois dès la fin des années 70, même le milieu des années 70, que le Pakistan utilisait l'islam pour remplacer la domination russe par une domination pakistanaise. Et le commandant Massoud va vouloir défendre les institutions nationales afghanes, mais je dirais que c'est sa tragédie. Il n'a jamais pu casser le carcan écrasant des identifications ethniques. Il est toujours resté le Tadjik, le Panchiri. Même en voulant donner le pouvoir apparent à un chef pachtoun ou même à un chef d'origine arabe comme Mojadidi, il n'a jamais pu dépasser ce clivage qui est la malédiction de l'Afghanistan. Je conclus en disant que dans cette tragédie, les observateurs peuvent critiquer un État comme celui de Kaboul jusqu'à il y a 15 jours comme étant affaibli par ces divisions ethniques. Mais je ferais plutôt remarquer que c'est parce que l'État est faible, ou était faible, que les populations se repliaient sur la protection du clan et de l'ethnie. Et que c'est souvent le contraire, et que ce phénomène n'est pas propre à l'Afghanistan, mais à celui de très nombreux pays, en Afrique et ailleurs, où l'État est tellement faible que c'est finalement l'appartenance ethnique qui en prend le relais. Oui. L'analyse est fine, mais elle est essentielle pour comprendre des situations complexes. 1979, les soviétiques entrent en Afghanistan. Au cœur des années 80, eh bien, les moudjahidines sont soutenus par les États-Unis. Vous nous l'avez dit, hein, Jean-Pierre Perrin, ça y est, ils ont gagné, les soviétiques. Il y a un mythe quand même, si vous permettez. Dites-moi. C'est celui du combattant arabe qui est venu aider les moudjahidines, à l'image de Ben Laden. Si on fait le chiffre des pertes des combattants arabes pendant la période où les soviétiques étaient en Afghanistan, on arrive au chiffre de 44, c'est-à-dire qu'ils n'ont quasiment pas combattu. Et 5 ont été tués avant 1985. Là encore, la date butoir de 1985, avec l'arrivée d'Azam. Azam et créer le bureau des volontaires arabes qui va être un canal pour faire venir des volontaires et de l'argent, et Ben Laden sera, qui Azam était le mentor de Ben Laden, qui viendra avec eux, mais ils n'ont joué quasiment qu'un rôle extrêmement marginal dans la libération de l'Afghanistan face aux soviétiques. Ce n'est qu'après qu'ils vont prendre leur envol. 1989, hein, c'est la fin de l'intervention soviétique, mais c'est le début d'une autre histoire. Il faut attendre seulement 1995 pour qu'on commence à parler des talibans, comme on dit aujourd'hui, des talibans, comme on disait alors. Ils sont afghans, mais viennent des écoles coraniques du Pakistan voisin. Un Coran dans une main, une Kalachnikov dans l'autre, ils se sont ouverts la route de Kaboul en quelques mois et contrôlent aujourd'hui près de la moitié du territoire. Lorsque les talibans, littéralement les étudiants religieux, s'emparent d'une zone, le scénario est à chaque fois le même. Ils mettent fin au petit trafic des milices armées corrompues ils brûlent les champs de pavots et rétablissent l'ordre au nom d'Allah. Pour comprendre l'émergence des talibans, il faut remonter à 89. L'armée rouge se retire alors d'Afghanistan et laisse le régime pro-soviétique seul face aux Moudjahidines. Très vite, deux chefs de guerre émergent, Massoud, venu du Panjshir, et Ekmatyar, un islamiste armé et financé par le Pakistan et les États-Unis. Kaboul devient le théâtre d'une guerre sans merci entre les deux factions. L'État se désintègre, les réfugiés s'entassent dans des camps de fortune. Fin 94, les alliés d'Ekmatyar changent de politique. Les États-Unis sont persuadés que le fondamentaliste entretient des réseaux terroristes prêts à frapper en Occident. Avec le Pakistan, ils décident de s'en débarrasser et arment les talibans. Ekmatyar chassé, les talibans font face désormais aux troupes du commandant Massoud. Et Kaboul est leur prochain objectif. Kaboul est leur prochain objectif. Nous étions en 1995. C'est le temps de l'actualité. Michael Barry, vous êtes l'auteur du Royaume de l'insolence, l'Afghanistan, 1504-2001. L'histoire de l'Afghanistan ne peut se lire que sur le temps long. Comprendre les talibans ne peut se lire que sur le temps long. Il est évident que le temps long est le seul temps qui existe vraiment, puisque le temps est long par définition. L'instantané est incompréhensible. Les talibans représentent sans aucun doute d'abord un instrument du Pakistan pour contrôler un Afghanistan qui ne pourrait plus jamais réémerger comme étant un petit état régional allié à l'Inde. C'était la hantise du Pakistan de 1947 à, je dirais, jusqu'à aujourd'hui. Donc, les talibans, en affirmant qu'ils seront les alliés du Pakistan, conjurent ce qui était pour les Pakistanais la hantise, le cauchemar, la réémergence d'un Afghanistan post-soviétique ou même post-américain qui serait de nouveau allié à l'Inde pour, de manière irrédentiste, réclamer au Pakistan des territoires autrefois annexés par l'Empire britannique en 1893 et laissés en héritage au Pakistan en 1947. Donc c'est un contentieux territorial aussi envenimé et profond que celui qui opposerait, j'oserais dire, les Israéliens et les Palestiniens. Ce n'est pas un contentieux territorial anodin. Et cela explique cette détermination pakistanaise de pousser au pouvoir à Kaboul un régime qui serait si complètement allié au Pakistan grâce à une idéologie islamiste commune qu'un Afghanistan véritablement indépendant ne pourrait plus jamais réémerger. Le temps long, bien sûr, l'international, évidemment, et la complexité aussi qui est absolument nécessaire pour comprendre cette situation. Merci vivement à vous deux de nous avoir parlé de cette histoire, cette longue histoire de l'Afghanistan et particulièrement de ce moment très complexe qui nous conduit aujourd'hui jusqu'au Taliban. Michael Barry, le Royaume de l'insolence, l'Afghanistan, et Jean-Pierre Perrin, je veux absolument citer Une guerre sans fin aux éditions Rivage, ce livre génial où l'on trouve Garcia Lorca, où l'on trouve Alois Brunner et où l'on a cette longue histoire de guerre sans fin. Je suis ravi que vous ayez parlé. Merci. Oui, j'ai le cri afghan qui sort aux éditions de l'Asiatech au début du mois prochain. Et bien voilà. Sur les événements actuels. Ça fait la bonne lecture pour décrypter l'actualité et pour continuer à décrypter cette actualité, on retrouve tout de suite Valérie Hanin, le magazine L'Histoire. Quel est ton nom ? Rambo. D'où tu viens ? France Culture. L'Arizona. L'Arizona. Combien de jours de marche ? Bon, environ 2 ans. 2 ans ? Le cours de l'histoire. Tu es soldat ? Plus maintenant. Xavier Mauduit. Valérie Hanin, bonjour. Bonjour Xavier. Plaisir de vous retrouver. Eh oui. Avec sous le bras, enfin non, mais devant les yeux, c'est beaucoup mieux pour lire un magazine, le magazine Histoire, avec en titre Les États-Unis et le monde 2001-2021. On comprend pourquoi le sujet de ce dossier essentiel. Merci, oui, essentiel. À vrai dire, quand on a choisi le sujet, c'était simplement un anniversaire qui se préparait, une évacuation que l'on espérait encore un peu plus calme et un peu plus en ordre. On a été évidemment rattrapé par l'actualité et dans le traumatisme de cette évacuation tragique du mois d'août, je crois que les historiens, évidemment, vous nous l'avez montré pendant cette heure, mais les historiens ont des choses à dire et notamment sur le temps long. Et nous, ce qui nous a beaucoup intéressé intéressé, ce qui a intéressé les historiens de ce dossier, Rachid Ralidi, hein, qui est professeur à Columbia, qui est spécialiste du Moyen-Orient, mais aussi Elie Barnavi ou Bruno Caban, spécialiste de l'histoire de la guerre, c'est évidemment de remettre ça dans le temps long et dans le temps long des Américains. Parce qu'au fond, ce à quoi on a assisté depuis 2001, dans cette vingtaine d'années, c'est un véritable tournant, puisqu'il y a un désengagement, un tournant par rapport à ce qui s'est passé depuis Roosevelt, la Deuxième Guerre mondiale, la centralité du Proche-Orient et du Moyen-Orient, le pétrole, bien sûr, hein, l'alliance bizarre avec l'Arabie Saoudite, et puis cet extrême engagement de 2001 de façon unilatérale, ce qui était une faute, sans doute, la première faute. Cet engagement massif et qui a abouti à une, on peut dire, une triple défaite. Une défaite militaire, bien sûr, on le voit là, on en voit la fin. Une défaite politique, puisqu'il n'y a pas eu la démocratisation attendue et qu'aujourd'hui on se replie sur d'autres motifs de guerre. Et puis une défaite morale, évidemment, dont les États-Unis sont en train de payer le prix, sans doute. Et du coup, c'est ce qui explique, ce qui nous a peut-être un peu échappé à partir d'Obama 2008, un véritable tournant, le désengagement. Au fond, Obama décide le désengagement en Irak, 100 000 soldats vont sortir, et puis le repli en Afghanistan, et on a été un peu peut-être aveuglé par les rodomontades de Trump, par ses parades américaines, y compris des présidents américains en treillis. Mais au fond, depuis 2008, c'est un désengagement et c'est peut-être un tournant. Elie Barnavi nous dit c'est un tournant peut-être catastrophique aussi. Et dans le dossier de l'histoire, effectivement, il y a cette prise en compte de tous les aspects que nous avons pu évoquer dans l'émission, notamment la Chine par Pierre Grosseur. Oui, bien sûr. L'acteur chinois est essentiel. Essentiel, vous l'avez dit. Oui, cette mise en perspective est intéressante. Donc c'est le dossier du magazine Histoire, les États-Unis et le Monde 2001-2021, donc l'histoire. Ah oui, le 20e anniversaire. Ah oui, là on est vraiment dans le temps présent. Du reste, évidemment, c'était un petit peu difficile de boucler ce dossier. Il y a 3 semaines, on ne savait pas vraiment. Oui. Les talibans étaient aux portes de Kandahar, mais ils n'avaient pas encore pénétré dans Kaboul. Et bon, on ne pensait pas que ce serait aussi dramatique. Merci vivement Valérie Hanin de nous avoir présenté l'histoire. Merci. Dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Milena Hellig avec à la technique Jacques Hubert et préparée par Marion Dupointe, Toscane Viudès, Jeanne Delecroix et Anne Grimbach. Une émission programmée par Maïwenn Guizhou qui choisit les invités donc à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.